Vous avez si bien du tintamarre. Votre fils s'en est enfui avec son lion. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment m'assassiner de la façon? Allons, un commissaire et qu'on empêche qu'il ne sorte. Oh, traître! Je vous ferai punir par la justice. Ah, par ma vie, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement.